Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler. Lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Réalisation Pascal Deux. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Créateur de Philippe Marlowe, détective privé immortalisé au cinéma par Humphrey Bogart, Raymond Chandler est l'un des grands maîtres du roman noir américain. Un jour, en parcourant la côte du Pacifique en voiture, je me suis mis à lire des magazines bon marché. Et une chose m'a frappé. Ce genre de littérature ne manquait ni de force, ni d'honnêteté sous son aspect fruste. J'en ai conclu que c'était peut-être le bon moment d'apprendre à écrire de la fiction, tout en gagnant un peu d'argent en même temps. À Hamish Hamilton, à Alex Barris, à George Harmon Cox, à Dale Warren, à Mrs. Knopf, à Alfred Hitchcock, à Charles Mort, à Mr. Wicks. Quatrième épisode. La Jolla, Californie. Lettre du 19 septembre 1951. À son éditeur anglais, Hamish Hamilton. Cher Jamie, je viens de lire le portrait de John Dixon Carr dans le New Yorker. Un type pour lequel on pourrait éprouver une certaine admiration lointaine, mais guère d'affection. Une phrase m'a paru particulièrement révélatrice. Après avoir signalé son goût pour le macabre et l'ingéniosité de ses intrigues, il ajoute qu'il déteste le fait matériel d'écrire. J'ai alors subitement compris pourquoi je n'arrive pas à le lire. Un écrivain qui n'aime pas écrire, c'est comme un avocat qui n'aime pas le droit ou un docteur qui déteste la médecine. Monter une intrigue, ça peut être empoisonnant, même si l'on est doué. Mettons qu'il faut le faire avant de passer aux choses sérieuses. Mais un écrivain qui n'aime pas écrire, à qui la magie de créer des mots n'apporte aucune satisfaction, à mon avis, ce n'est pas un écrivain. Un point, c'est tout. Écrire, c'est la raison de vivre. Comment alors détester écrire? Comment peut-on détester la magie qui fait d'un paragraphe, d'une phrase, d'une réplique ou d'une description une création? Eh bien, apparemment, on peut être comme ça et avoir du succès malgré tout. Que cela soit possible, n'empêche que ça me déprime. Amitié. Ray. À Hamish Hamilton, 5 octobre 1951. J'espère bien, cher Jamie, sortir un livre l'année prochaine. Je l'espère vraiment. Mais bon Dieu qu'il me donne du mal. L'enthousiasme d'antan a disparu. Le souci que me donne ma femme m'épuise. Sissi ne peut pas faire grand-chose, elle a beaucoup baissé depuis 2 ans. Nous avons une grande maison, assez dure à tenir. Impossible de trouver des domestiques, il y a des mois que nous avons perdu notre dernière cuisinière. On ne peut pas habiter ici sans être aidé. Je pense que la chose raisonnable serait de prendre une maison plus petite et de nous arranger tout seul, mais je crains qu'elle n'en soit même plus capable. Lorsque je me mets au travail, je suis déjà fatigué et abattu. Je me réveille la nuit avec des idées épouvantables. Sissi a une toux chronique qui ne peut pas être apaisée sauf avec des drogues, et ces drogues minent sa vitalité. Il ne s'agit ni de tuberculose ni d'un cancer, mais je crains bien que ce soit irréversible et que ça ne puisse qu'empirer. Elle n'a plus de force et, comme elle est d'un tempérament plein d'entrain, elle luttera jusqu'à l'épuisement total. Je redoute, et elle aussi j'en suis sûr, mais nous évitons le sujet. Un lent déclin qui la laisserait définitivement grabataire. Qu'est-ce qui arrivera alors? Je n'en sais vraiment rien. Sissi déteste les hôpitaux, elle déteste les infirmières et elle n'aime pas trop les médecins. Quand j'ai des idées noires, ce qui n'est pas rare, je sens le souffle glacé du désespoir. Et ce n'est pas exactement l'humeur qui convient pour écrire des choses allègres. Vous dites des choses très aimables sur ma façon d'écrire, et je suis sûr que vous les pensez. Mais en tant qu'écrivain, je ne me suis jamais senti important. Chaque génération a ses écrivains incomplets. Ils ne semblent pas mettre beaucoup d'eux-mêmes sur le papier et leur réussite semble simplement fortuite. Souvent, mais pas toujours, ils débutent trop tard et possèdent un sens critique trop développé. Parfois, il leur manque simplement la dureté nécessaire et ils s'imaginent que la vie des autres est aussi importante que la leur. Et le bonheur des autres plus essentiel que l'expression de leur propre personnalité, s'ils en ont une. Ce doit être à ce groupe que j'appartiens. J'ai eu suffisamment de réussite matérielle pour m'en tirer, mais pas assez le sens d'un destin, pour imaginer que tout cela avait beaucoup d'importance. Vous savez, j'envie ceux qui s'imaginent que l'art et la littérature méritent des sacrifices. Mes propres normes ne me permettent pas d'admirer beaucoup tous ces tâcherons qui ont du succès. Et puis, j'ai mes lacunes, il faut bien l'admettre. Non. Une bonne tranche de Flaubert ou d'Hemingway au mieux de leur forme vaut mieux que tous ces gens-là. J'allais y ajouter Faulkner, mais je crois qu'on le surestime. Bah, tout ça n'a guère d'importance. Simplement pour être heureux, il vaut mieux être un assez bon écrivain de second ordre plutôt qu'un génie mourant de faim comme Jules Laforgue ou un malheureux solitaire comme Heine ou Dostoïevski. Je vous considère comme un excellent ami, mon cher Jamie. Désolé d'être si ennuyeux et déprimant. Ray. PS. Churchill sera bientôt au pouvoir. J'espère qu'il ne va pas se couvrir de ridicule, comme cela arrive aux grands hommes quand ils commencent à radoter. Chez nous autres, gens ordinaires, ça ne se voit pas, car personne ne regarde. Lettre du 13 août 1951, au surintendant du bureau de poste de la Jolla. Cher Monsieur Heinz, de temps en temps je reçois une lettre par courrier spécial. Parfois on les met dans ma case à la poste restante, puisque c'est mon adresse officielle. Parfois on me les apporte à la maison. La personne chargée de cette opération semble avoir pris l'habitude d'arriver le matin vers 7h30 et entreprend alors de défoncer la porte d'entrée, réveillant ainsi ma femme en sursaut, alors qu'elle a besoin de sommeil. Je ne critique pas cet homme, qu'anime sans doute un vif sens du devoir, mais je signalerai en toute sympathie que même une lettre par courrier spécial n'est pas si urgente que cela, car autrement, on se servirait du téléphone ou des télégrammes. Il y a dans la porte de côté, au niveau du sol, une fente pour le courrier. On glisse simplement la lettre par cette fente et elle tombe sur le sol. Voilà ma conception d'un splendide travail exécuté avec tact et considération. Si ça se révélait impossible à réaliser ou en contradiction avec le règlement des postes, puis-je alors demander que le courrier spécial soit déposé dans ma case numéro 128, poste restante comme le courrier normal. En ce qui me concerne, pas besoin de phare tournant ni de sirène. Sincèrement, vôtre. Décembre 1951, à Monsieur Paul McClung, Dell Publishing Company. Cher Monsieur McClung, le médecin à l'origine de cette opinion de moi que vous citez est mort depuis plusieurs années. Voilà exactement ce qu'il m'a dit un jour. Le plus dur quand on essaie de guérir un alcoolique ou un drogué, c'est qu'à longue échéance, on n'a rien à lui offrir à la place. Je suis bien d'accord avec lui. On se sent dans un état épouvantable, on a honte, on est humilié. Le malade voudrait bien qu'on le guérisse à condition que ce ne soit pas trop douloureux, et parfois même si ça l'est, comme c'est toujours le cas. Sur le plan physique, on peut dire qu'il est guéri quand les symptômes de manque ont disparu, et ils sont assez épouvantables. Mais la douleur s'oublie, et l'humiliation aussi dans une certaine mesure. Alors votre ex-alcoolique ou votre ancien camé regarde autour de lui et quel est le bilan ? Un paysage tout plat où aucune direction ne paraît plus intéressante qu'une autre. C'est une récompense négative. Il ne souffre pas physiquement, il n'est plus humilié ou honteux. Tout simplement, il s'ennuie. Il n'y croit plus. Mais il faut bien vivre. Encore qu'on se demande parfois à quoi bon. Naturellement, un traitement psychiatrique approprié, etc., etc., etc. De toute façon, le médecin ne peut pas vous abandonner au creux de la vague. N'empêche qu'en parlant de psychiatrie, il se trouve que je considère la psychiatrie comme 50% de foutaise, 30% d'imposture et 10% de blabla, et puis 10% de mots savants, qui cachent ce que le bon sens nous avait appris pendant des centaines, voire des milliers d'années, si nous avions seulement le courage d'y regarder. Je crois qu'un homme devrait se saouler par principe au moins deux fois par an, simplement pour pouvoir prendre les choses avec bonne humeur. You got a match, bud? Now what'll it be, kid, me or the cops? What do you want? Sit in that car, back of the wheel, you drive. As soon as this police car goes by, we're going to Geiger's house. Oh, and by the way, Carol, you shot the wrong guy. Brody didn't kill Geiger. All right, let's go. Lettre d'octobre 1951 à l'un de ses lecteurs. Cher Monsieur Inglis, je crains bien de ne rien avoir de bien solide à vous apporter concernant ce que vous appelez la maturité de Philip Marlowe. Je crois que mon ami Marlowe se fout complètement de savoir si son esprit est adulte ou pas. Il me faut bien admettre qu'il en est de même pour moi. Si le fait de se révolter contre une société corrompue, c'est le signe d'un manque de maturité, alors Philip Marlowe est tout à fait infantile. Voir la saleté où il y en a, si c'est ça être un inadapté social. Alors, Philip Marlowe est un inadapté. Bien sûr que Marlowe est un raté et qu'il le sait. C'est un raté parce qu'il n'a pas d'argent. Un homme qui n'est pas infirme et qui ne gagne pas bien sa vie est toujours un raté. Souvent aussi sur le plan moral. Mais beaucoup de types très bien ont été des ratés parce que les talents qu'ils possédaient ne convenaient ni à leur époque, ni au lieu où ils vivaient. Je crois qu'en fin de compte, nous sommes tous des ratés. Autrement, le monde ne serait pas ce qu'il est. Et puis, il faut aussi se rappeler que Marlowe n'est pas un être réel. C'est un personnage imaginaire. Et il se trouve dans une position fausse parce que c'est moi qui l'y ai mis. Dans la vie réelle, un homme de son espèce ne serait pas plus détective privé qu'il ne serait professeur d'université. Votre détective privé dans la vie réelle est soit un ancien policier avec beaucoup d'expérience, chèrement acquise et autant de cervelle qu'une tortue. Ou bien, c'est un petit besogneux miteux qui cavale à la recherche de gens qui ont déménagé. Ah oui, je crois que je n'aime pas beaucoup quand vous dites que Philip Marlowe n'éprouve que du mépris pour la faiblesse physique des autres. Je ne sais pas où vous avez pêché ça, et je ne pense pas que ce soit vrai. Et puis j'en ai assez de ces remarques amusées selon lesquelles il serait tout le temps imbibé de whisky. La seule justification de cette croyance est que lorsqu'il a envie de boire un coup, il le fait ouvertement et qu'il n'hésite pas à le dire. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais si on le compare aux gens qui fréquentent le country club près de chez moi, il est sobre comme un diacre. Le Times prétend que Philip Marlowe est amoral. C'est idiot. Si on l'imagine aussi intelligent que moi, et il ne saurait l'être davantage, pourquoi travaille-t-il pour un si maigre salaire ? La réponse à cette question, c'est toute l'histoire. C'est la lutte d'un homme fondamentalement honnête pour gagner décemment sa vie dans un monde corrompu. Combat impossible, il ne peut pas gagner. Il peut être pauvre et amer et s'en tirer par des boutades. Ou bien alors il peut se montrer pourri, affable et intraitable comme un producteur de Hollywood. Ce qui n'empêche pas Marlowe d'être un homme plus honorable que vous et moi. Je ne parle pas de Humphrey Bogart dans le rôle de Philip Marlowe. Et je ne dis pas ça parce que je l'ai créé. Je ne l'ai pas créé du tout. J'en ai connu des dizaines comme lui. Avec seulement en moins les quelques touches pittoresques nécessaires à un personnage de roman. Et encore, il y en a qui les possédaient. Tous étaient pauvres et ils le seront toujours. Comment pourrait-il en être autrement ? 27 décembre 1951, à son agent littéraire, Karl Brandt. Cher Karl, nous avons passé un Noël épouvantable, merci. La cuisinière est tombée malade, on n'a pas réussi à faire cuire la dinde. Ma femme est au lit presque tout le temps, en train d'essayer de se débarrasser d'une bronchite obstinée. Soigny, pour Noël, m'a envoyé une cravate. Elle est toute couverte de Sherlock Holmes, avec des empreintes de pas sanglantes. Les agents de Hollywood ne devraient pas se croire obligés de vous envoyer des cadeaux de Noël. Surtout que les cadeaux en question constituent un excellent baromètre de l'estime où ils vous tiennent. Le gars à qui jadis on offrait des montres et qui se retrouve avec une cravate, c'est à quoi s'en tenir. Au fait, vous ne connaîtriez pas un type capable de se fourrer ça autour du cou? Je voudrais bien m'en débarrasser. Je ne porterai pas ça même à l'autopsie d'un bougeux de l'Arkansas. Lettre du 11 janvier 1952, à la rédaction du Picture Post. Le journal Picture Post, c'est pour les gens qui remuent les lèvres en lisant, non? Leurs questions montrent bien le niveau intellectuel de leur rédaction. Oui, oui, bien sûr. Je suis exactement comme les héros de mes livres. Je suis un vrai dur, et l'on m'a vu briser un croissant entre mes dents. Je suis très beau, avec un physique puissant, et je change régulièrement de chemise tous les lundis matins. Quand je me repose entre deux affaires, j'habite un château à la française dans Mulholland Drive. C'est une bicoque de 49 pièces avec 59 salles de bain. Je dîne dans de la vaisselle d'or. Et je préfère être servi par des danseuses nues. Mais bien sûr, il y a des moments où je dois me laisser pousser la barbe et me terrer dans un garni minable de Main Street. J'ai des amis dans toutes les couches sociales. J'ai 14 téléphones sur mon bureau avec des lignes directes pour Paris, Londres, Rome et Santa Rosa. Mon classeur dissimule un petit bar très pratique. Et le barman, un nain du nom de Harry Cohn, habite le tiroir du bas. Je fume beaucoup. Et selon l'humeur, je fume du tabac, de la marijuana, de la barbe de maïs ou des feuilles de thé séchées. Je rassemble énormément de documentation, en particulier dans les appartements des grandes blondes. Je trouve mes thèmes de différentes façons, mon moyen préféré étant de fouiller dans les bureaux d'autres écrivains après leur départ. J'ai 38 ans depuis 20 ans. Je ne me considère pas comme un tireur d'élite, mais avec une serviette mouillée. Je peux être un homme très dangereux. Tout compte fait, je crois quand même que mon arme favorite, c'est un billet de 20 dollars. Et pendant mes loisirs, je collectionne les éléphants. Lettre du 8 août 1953 à Juanita Messick, sa secrétaire. Nita, j'ai quelque chose d'un peu triste à vous dire. Je crains bien qu'à la fin du mois, il ne nous faille interrompre notre arrangement actuel. La vérité, c'est que dans les circonstances présentes, je ne peux pas me payer le luxe d'une secrétaire à plein temps. Vous savez que je vieillis. Je n'ai jamais été un auteur très fécond. Je viens de finir mon dernier roman sur un air de Navaja, 4 ans après « Fais pas ta rosière ». Je suis usé, fatigué. J'ai perdu l'appétit et j'ai tellement maigri que j'ai dû percer 2 autres trous dans mes ceintures. Je suis souvent déprimé, je dors mal. Ma femme est malade et son état ne s'améliore pas. J'espère qu'elle va se remettre et qu'elle sera en état de passer un petit moment en Europe. Nous envisageons le sud de la France. Le climat conviendrait bien à Sissi. N'empêche que c'est toute une aventure, à son âge, avec des risques. Ce n'est pas tellement que j'adore les Français, mais enfin, je sais la langue et puis au moins ils sont capables de penser tout seuls et d'exprimer ce qu'ils pensent. Un docker s'exprime plus facilement en France qu'ici la plupart des sénateurs et des membres du Congrès. Et là-bas, le sénateur Joseph McCarthy durerait le temps nécessaire pour soulever le couvercle des chiottes. Je ne veux pas travailler pour Hollywood, ou pour la télévision, ni pour autre chose sauf le roman. Et je ne veux pas y être contraint. Dans une telle situation, il n'existe qu'une seule solution. Réduire les dépenses si l'on réduit la production. J'ai eu 65 ans à mon dernier anniversaire. De nos jours, ça n'est pas tellement vieux, mais ça veut quand même dire que le rythme se ralentit. On a moins d'ambition et les questions d'affaires deviennent prodigieusement irritantes. Et puis surtout, on a envie de s'asseoir au soleil et ne rien faire. à Juanita Messick, 12 août 1953. Chère Anita, merci pour votre mot et pour tout le reste. Je suis sûr que nous allons pouvoir nous entendre et trouver un arrangement. Peut-être aurai-je besoin de vous vers Noël, je veux dire la semaine avant Noël. Quand je parle de mettre les archives en ordre, je veux dire me débarrasser des lettres officielles qui ne présentent plus aucun intérêt. Bien sûr, je ne songe pas à détruire les chefs-d'œuvre épistolaires. De temps en temps, j'en trouve un dans mes dossiers, et je suis toujours un peu baba quand c'est moi qui en suis l'auteur, et que je constate que j'ai été si brillant pour pas un rond. Quel dommage. Il me semble que j'aurais fait un excellent essayiste, et puis ça m'aurait beaucoup amusé, beaucoup plus que de faire des polars. Parce que somme toute, j'ai toujours considéré ça avec un certain mépris. Vous vous demandez ensuite si vous ne m'ennuyez pas, ou plus exactement, si je ne trouve pas ennuyeux d'avoir quelqu'un ici tout le temps. Tout dépend de la personne. Votre présence chez nous ne m'ennuie pas du tout, et n'ennuie pas non plus ma femme. Mais si, avec beaucoup de tact, Anita, vous voulez laisser entendre qu'il y aurait des activités que vous voudriez poursuivre et que vous vous sentiez un peu à l'étroit, je suis sûr que vous saurez comment arranger cela. Faites ce que vous avez envie de faire, prenez le temps qu'il vous faut. Nous ne sommes pas à l'usine. Comme vous l'avez sans doute compris depuis longtemps, mon grand problème dans la vie, c'est de réussir à faire quelque chose. Malheureusement, je suis d'un tempérament plutôt agressif, mais je n'ai plus l'énergie qui rendait cela efficace. J'ai été dans le temps un champion. Maintenant, je tiens 4 rounds en début de soirée. Il y a autre chose que vous avez certainement compris, mais que je suis un peu gêné de dire. Voilà. Ma femme n'est plus capable de faire ce qu'elle faisait il y a encore quelques années. Quand nous sommes venus nous installer ici en 1946, il lui arrivait de faire tout le travail de la maison, ou presque tout. Elle préparait les repas, elle faisait des courses, elle s'occupait des peintres, du jardin. Et elle adorait tout cela. Et je sais que maintenant, elle est un peu triste, en secret, de ne plus pouvoir le faire. Mais je ne voudrais même pas évoquer cela devant elle. Et vous devez faire comme moi. Une secrétaire dans une maison se trouve dans une position embarrassante. Embarrassante parce que ce n'est pas seulement l'endroit où le mari travaille, c'est aussi le foyer de sa femme. Et elle n'aime pas s'occuper de ce qui, pense-t-elle peut-être, ne la regarde pas. Je vous suggère alors, s'il vous arrive de vous dire « Voilà ce que je pourrais faire pour Miss Chandler, si cela lui faisait plaisir. » Eh bien, de le dire tout simplement. En demandant à ma femme si elle ne voudrait pas que vous vous chargiez de telle ou telle chose. Mais en ne laissant jamais entendre que c'est parce que vous croyez qu'elle n'en est plus capable. Et puis, si vous me prenez à entamer un truc qui, vous le savez, ne va pas tarder à me rendre enragé, venez donc me dire « Laissez-moi me débrouiller avec ça, je m'en tirerai très bien. » Vous pouvez même y aller plus carrément, sans toutes ces politesses. Bon, je vais me coucher. Mais pas vraiment l'esprit en repos. Amitié. Rem. C'était Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler, lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Lue par Bruno Abraham Kremer et Pauline Moulin. Musique originale, Dominique Massa. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Pascal Deux. Les deux volumes de la correspondance de Raymond Chandler sont parus dans une traduction de Michel Doury aux éditions Bourgois, puis aux éditions 10-18. Thank you.